Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Wilfrid Pelletier, le maître de musique. Je suis né dans la musique. Parce que tous les dimanches, les frères se réunissaient chez mon père. Moi, j'étais tout petit, moi je me rappelle, j'avais peut-être 3-4 ans, mais je me rappelle très bien. Toute la journée, je restais près de la fanfare, parce que j'aimais beaucoup cette musique. Moi, pour moi, je ne sais pas quelle qualité de fanfare, ça ne devait pas être très bon, ça ne devait pas être très bon. Dès son plus jeune âge, Wilfrid Pelletier va se passionner pour la musique. Parti de loin, comme on dit, il va atteindre les plus hauts sommets de son art. Chef d'orchestre au très prestigieux Metropolitan Opera de New York, premier directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Montréal, premier directeur du Conservatoire de musique. Est-ce le fait d'avoir lui-même été exposé très jeune à la musique? Toujours est-il qu'il insistera toute sa vie pour que le jeune public soit mis en contact le plus rapidement possible avec la musique classique. Eh bien, je crois qu'on a assez travaillé aujourd'hui. Hein? Je vous remercie beaucoup. Hein? Mais n'oubliez pas de toujours de faire vos gammes tous les jours. Hein? Des dans tous les tons. Et dans tous les tons. Puis les doubles cordes, là, les doubles tierces. Là. Puis vous autres, la même chose, les bois. Il faut travailler les gammes tous les jours, les arpèges. Hein? Puis, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à répéter avec vous. Beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Extrait du film Wilfrid Pelletier, chef d'orchestre et éducateur, réalisé en 1960 par Louis Portugais, pour nous raconter le fascinant parcours de Wilfrid Pelletier, pour nous parler aussi de son importance déterminante chez nous. Mon invité, l'historienne Mireille Barrière, auteure de différents ouvrages consacrés à la musique classique. Mireille Barrière, bonjour. Bonjour. Revenons sur ce qu'on vient d'entendre. Ça nous dit quoi, cet extrait, sur l'homme qu'était Wilfrid Pelletier? Ah bien, c'est un homme, tout d'abord, qui était très affable et c'était un chef d'orchestre aussi très exigeant et chaleureux avec son personnel. Et le choix là, de la pastorale là, de Beethoven, là, il voulait vraiment être le promoteur de Beethoven dans la musique classique. Ce qu'on entend à Montréal. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que dans ce court extrait, tout est là. Ce côté affable dont vous parlez et cette exigence hein, qui toujours va le suivre, travailler. La force du travail, il y croit beaucoup. On entendait également au tout début de l'émission, Wilfrid Pelletier nous dire, nous rappeler que la musique arrive très, très tôt dans sa vie. Absolument. Voyez-vous, dès l'âge de 8 ans, il va commencer ses études de piano grâce à l'amitié de son père avec l'épouse de François Eraly. Et elle va être extrêmement bien formée. Ce sera toujours un très grand pianiste, Wilfrid Pelletier, qui faisait beaucoup, qui était habile en lecture à vue. Alors, pour un futur chef d'orchestre, ça, c'était très important. Puis une famille de musiciens, on entendait. Premier concert sur scène à quoi? Autour de 11 ans? Oh mon Dieu, il y en a même fait un à 8 ans au Parc Summer et ensuite à 11 ans. Et déjà, les commentateurs dans les journaux, il y en a un qui dira, mais si ce jeune homme peut trouver un mécène, on est sûr qu'il va faire une grande carrière. Alors, on détectait déjà son talent. Et c'était assez extraordinaire. Et pour lui, il y a un grand déclic qui va se faire, parce que, bon, bien sûr, le jeune Wilfrid joue de la musique, travaille très jeune, hein, parce qu'il doit participer au revenu familial. Mais en 1910, il y a un grand, grand déclic pour lui. Il assiste à son tout premier opéra, l'Opéra Mignon, qui est présenté au Théâtre His Majesty de Montréal. Et là, vraiment, c'est l'éblouissement et le grand déclic. Ça, c'était vraiment le grand choc de ma vie. Je n'avais jamais vu ni entendu un opéra. Je jouais pour mon père des extraits de Mignon, mais je ne savais pas ce que c'était qu'un opéra. Et puis, quand j'ai entendu l'ouverture de Mignon jouée par un orchestre, et puis le rideau s'est levé et qu'on a entendu ces beaux chanteurs. Il y avait une très belle troupe, de très bons chanteurs. Clément était un des grands artistes. Et ça vous avait ému au point de vouloir, de décider ce soir-là que c'était ça que vous vouliez faire. Oui, que je quitterais Montréal, mais que je ne pouvais plus vivre dans un désert musicalement, parce que là, ça m'a ouvert. Je ne savais pas qu'un opéra était de cette force. Dieu te consolera. Cette version de Mignon qui est chantée par Richard Verreault sous la direction de Wilfrid Pelletier d'ailleurs. Mignon, donc, c'est le grand déclic pour Wilfrid Pelletier. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour lui ce soir-là, Mireille Barrière? Ben, écoutez, partir de la fanfare familiale et vous retrouver dans un spectacle là, avec tous les atouts que ça comporte, de grands chanteurs, les chœurs, un orchestre symphonique. Alors pour lui, là, c'est une révélation et... tout de suite, il se dit, moi, c'est ça que je vais faire. Si je travaille un jour en musique, je vais diriger de l'opéra. Il comprend ce soir-là, au fond, ce que peut être la musique. Oui, absolument. Là, la grande musique, comme on dit. Et c'est ce qui va l'amener à vouloir pousser beaucoup plus loin. Alors, il faut dire, quand il parle de désert musical, c'est que la vie musicale montréalaise, à l'époque, vit une crise. La compagnie d'opéra de Montréal, où d'ailleurs Wilfrid Pelletier a dirigé les chœurs, cesse ses activités. On n'a plus d'orchestre symphonique permanent. Alors, quel avenir il y a pour un jeune homme? Il n'y a pas grand-chose. Et heureusement que le prix d'Europe est arrivé dans sa vie. Parce qu'il va gagner ce prix en 1915, mais il comprend très vite qu'il faut qu'il parte. Ça tombe bien. C'est pas rien d'ailleurs, mais il remporte ce prix d'Europe. Il part pour Paris. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Pourquoi c'est important pour lui? Bien, c'est parce qu'il sait que, quand même, il va améliorer sa formation, qu'il va développer de meilleures compétences. Et puis ensuite... Bien, il étudie avec des grands maîtres là-bas. Oui, avec Camille Bellaigue, entre autres, et puis avec le grand organiste Charles Vidor. Alors, il est vraiment dans un milieu là en effervescence. Mais c'est la guerre. Et Wilfrid Pelletier est parti avec son épouse qui accouche de leur premier fils. Et en 1917, ça va très mal sur le champ de bataille. La grande Bertha fait entendre ses bombardements à Paris. Paris est rationné. Alors Wilfrid Pelletier se dit non, pour une petite famille, c'est pas un bon milieu. Ouais. Alors il quitte et il aboutit à New York. Ouais. Il va faire un petit saut de puce, mais rien du tout, là. Il va passer par Montréal, mais non, pour lui, c'est clair. Il doit faire carrière ailleurs. Il se ramasse à New York et très vite, il est embauché au Met. Donc, comment ça se passe? Dans quelles circonstances il se retrouve au Metropolitan Opera? Disons que les dieux étaient pour lui. Il fait la rencontre du grand chef d'orchestre français, Pierre Monteux, qui dirigeait au Met et qui sent que ce bonhomme-là pourrait faire quelque chose. C'est un bon pianiste et qui le met en contact avec Giulio Gatti-Casazza, qui était le directeur général du Met, et qui dit, bon, d'accord, on vous accorde un contrat. Et ce contrat-là, ça lui donnait comme responsabilité d'être répétiteur du répertoire français et être également pianiste accompagnateur. Alors, c'est comme ça qu'il entre dans la maison. Et remarquez, ça a pris juste un mois. Il aboutit à New York le 17 juillet et il a son contrat incroyable. Le 17 août. Ouais. Puis il va faire cette grande carrière. On y reviendra à cette carrière qu'il aura au Met, mais il va rester au Met jusqu'en 1950. En 1934, là, on se retrouve à Montréal, au Québec. Le député Louis-Athanase David décide de créer la Société des concerts symphoniques de Montréal, qui va devenir plus tard l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal. Il demande à Wilfrid Pelletier de collaborer, de devenir le directeur, le premier directeur artistique de l'OSM. Pelletier hésite. Il pose une condition, qu'on créer des matinées symphoniques pour initier les jeunes à la musique classique. Et c'est ici donc qu'on s'intéresse au côté pédagogue de Wilfrid Pelletier. Maintenant, nous allons jouer le prélude du quatrième acte de Carmen. Alors ici, c'est une danse. Vous allez entendre un rythme rapide. joué par les cordes, tam tam papapapam, avec une petite tambourine. Vous savez ce que c'est qu'une petite tambourine? Oui. Bon. Vous savez-vous ce que c'est que le hautbois? Oui. Monsieur Réal Gagné, vous voulez vous lever, jouer deux ou trois notes sur votre hautbois, là. Ça y est? C'est ça. Il va jouer une très belle mélodie triste sur un rythme très gai de danse. Alors écoutez bien, l'Aragonaise. Soyez prudents, les petits, là, les petits. Écoutez bien la musique. Moi, j'avais 14 ans quand j'ai entendu un orchestre. Vous avez de la veine, vous autres. Vous avez de la veine. Moi, j'avais 14 ans. Il n'y avait pas de Radio-Canada de mon temps. On n'avait rien. On était trop pauvres pour avoir un gramophone. On n'avait pas de gramophone à ce moment-là. Vous étiez pas nés à ce moment-là. Vous avez de la veine, alors profitez-en. Alors, écoutez bien. Extrait du documentaire « Hommage à Wilfrid Pelletier » présenté par Françoise Davoine en 1996. Cet extrait-là, il est extraordinaire, Mireille Barrière, et il nous montre bien l'importance qu'a le jeune public pour Wilfrid Pelletier. Et ce n'est pas une blague. Quand on lui demande de devenir directeur artistique de l'OSM, il hésite, mais il a une condition, c'est celle-là, qu'on crée des matinées, qu'on s'intéresse au jeune public. Oui, c'est toujours ces préoccupations d'éducation, d'initier les jeunes, de les intéresser. Et il y a très bien réussi. Et c'est donc, il a tenu à ça. Pourquoi c'est si important pour lui? Ben, c'est que je crois qu'il parle de son expérience, ouais. Comme il dit. C'est qu'il faut absolument, si on veut faire vivre un orchestre symphonique ou une maison d'opéra, il faut un public. Ouais. Et il faut tout de suite le sensibiliser lorsqu'il est tout jeune, parce qu'il est un jeune, c'est ouvert à ça. Ouais. Hein? Et surtout avec un dynamiteur comme ça. Oui, on l'entendait, c'est effectivement ce dynamisme, cette passion qu'il a. Il va être à l'OSM comme directeur artistique de 1935 à 1941. Quelle importance il va avoir pour l'OSM? Ah, bien entendu que pour l'OSM, c'était important de l'avoir comme directeur artistique parce que sa réputation était très grande ici. Et surtout, on connaissait ses exigences, on connaissait sa compétence et on savait que ça allait donner, si vous voulez, un passeport automatique de qualité de l'orchestre. Dès ses commencements. Donc, il est à Montréal, mais fondamentalement, il reste d'abord et avant tout ancré à New York. Il est toujours au Met. Et en 1935, d'abord, il y a le ténor canadien Edward Johnson qui est nommé directeur général du Met. Et ce qui permet donc à Wilfrid Pelletier de mettre sur pied cette émission radiophonique Metropolitan Opera Auditions of the Air, qui va être une émission très importante pour le Met, même pour l'histoire de l'opéra, d'une certaine manière, Mireille Barrière, pourquoi? Mais tout d'abord, c'est que Wilfrid Pelletier voulait assurer de la relève au Met avec des chanteurs américains. Donc, avec un concours comme ça, on allait chercher des nouveaux talents. Et ça avait lieu à chaque semaine, c'était une demi-heure à la radio. C'était ouvert aux Américains, mais aussi aux Canadiens. Alors, quand la guerre est arrivée et que les chanteurs européens ne pouvaient plus traverser pour venir signer des contrats au Met, ça a amené, si vous voulez, l'avènement de voix du lieu. Il y en a eu beaucoup chez les Américains, Leonard Warren, Robert Merrill, tous ces gens-là, Reza Stephen, mais aussi des Canadiens qui veulent participer au concours. Et vous avez eu Pierrette Allary, par exemple, qui l'a remporté et qui a fait deux ou trois saisons au Met. Est-ce qu'il a été... quel genre de pouvoir il avait? On peut penser qu'il est dans cette grande maison qu'est le Metropolitan Opera, qu'il a donc probablement travaillé à développer des talents canadiens. Est-ce qu'il le peut? Est-ce qu'il a ce pouvoir-là? Est-ce qu'il sera l'allié des chanteurs et des chanteuses canadiennes? Bien, évidemment, disons peut-être que la formation pour les chanteurs, avant le conservatoire, c'était donnée à des professeurs privés, mais il a dégoté quelques talents. Tout d'abord, le Metropolitan Opera Auditions of the Air, ça a ouvert la porte à Raoul Jobin, à Pierrette Allary, à Jacques Gérard, à Denis Harbour, qui n'est pas demeuré longtemps, à Louis Quilicault, mais qui, lui, va s'en aller tout de suite en Europe. Mm-hmm. Donc, il ne chantera pas au Met avant 1972. Alors, oui, il y avait sans doute une certaine autorité, mais peut-être que le terreau n'était pas encore aussi fertile qu'aujourd'hui, par exemple. Et c'est plus l'émission, en fait, que le choix d'un tel ou tel chanteur dans une production du Met. Il ne contrôle pas ça vraiment, Wilfried Pelletier, mais cette émission-là devient un tremplin pour ces chanteurs canadiens dont vous venez de nous parler. On reste dans le développement, on revient un petit peu à la jeunesse qu'il faut développer musicalement. Le gouvernement du Québec, et on revient donc au Québec, créé en 1942 le Conservatoire de musique et d'art dramatique. C'est Wilfried Pelletier qui va en être le premier directeur artistique et la touche Pelletier va être très importante pour ce que va devenir le Conservatoire. On écoute à ce propos la soprano québécoise Colette Bocchi au micro de Françoise Davoine en 1996. Alors là c'était vraiment une grande école à cette époque-là. Le Conservatoire, puis ça non plus, je ne me rendais pas compte de ça, mais je m'en suis rendu compte après pour... Quand j'ai participé à des concours internationaux et que je me pensais toute petite et tout ça, je me suis dit tout le monde en connaît bien plus long que moi. Et là, je me suis aperçue que ma formation au conservatoire avait été très importante puisque j'avais touché à tous les styles, l'oratorio, l'opéra français, l'opéra allemand, l'opéra italien. Et la mélodie française, en plus de la formation musicale et tout ça. Donc, c'était très solide comme formation. Et ça, est-ce que vous diriez que c'était parce que, justement, c'était quelqu'un comme Wilfried Pelletier, chef d'opéra, qui était à la tête du conservatoire? Oui. Les gouvernements de l'époque lui ont accordé beaucoup de crédit pour vraiment former un conservatoire où il pouvait... où on pouvait inviter les meilleurs maîtres, à l'exemple Raoul Jobin, qui a été mon professeur d'opéra français et mon professeur de voix. Il invitait aussi, par exemple, je parle seulement des chanteurs, bien sûr, il invitait Dick Marzollo, qui était un grand coach à New York d'opéra italien, qui travaillait avec des vedettes comme Cesare Siepi et tout ça. Quelle importance il va avoir, Wilfried Pelletier, dans la direction qui va être donnée au Conservatoire de Montréal? Mais c'est lui qui en établit l'orientation, les programmes, et tout de suite, ce qu'il dit, il vise l'excellence. Alors, pas là de jeu, de dire, eh bien, parce qu'il y en a, il y a des ministres, par exemple, qui lui demandaient, ben vous pourriez pas engager comme professeur mademoiselle une telle qui est dans ma circonscription électorale. Il dit non, il y a pas de chauvinisme, je n'engage que les meilleurs. Mmh. Et c'est ça ce que Colette dit, c'est vrai, il y en a d'autres qui me l'ont raconté. Une, entre autres, qui est allée étudier le piano à Genève, mais les gens n'en revenaient pas de la variété de mon répertoire pianistique, du sérieux de ma formation. Alors, tout de suite, la plupart de nos chanteurs qui ont fait carrière après la Deuxième Guerre étaient des diplômés du conservatoire. Il a une vision très claire de ce qu'il veut faire. Oui. C'est le modèle européen, au fond. C'est Paris. C'est Paris, son modèle, et rien d'autre. Oui. Et ça va marcher. Il va rester là pas mal d'années. Ça va finir un peu en queue de poisson. En 61, on lui montre un petit peu la porte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est parce qu'il y en a qui trouvent qu'il n'est pas assez présent au conservatoire parce qu'il menait carrière, comme vous savez, à New York et à Montréal, au Québec. Alors, il faisait la navette, il n'était pas toujours disponible. On va parler de lui comme le fantôme, à un moment donné. Il y en a qui l'appelaient l'homme invisible. L'homme invisible. D'après une émission télé très populaire. Alors, évidemment, on a dit qu'il faudrait quelqu'un qui soit beaucoup plus présent. Alors, on l'a remplacé par Roland Leduc. Mais il va être récupéré par le ministère des... ce qui va devenir le ministère des Affaires culturelles, en fait. Ou de l'éducation, là, c'est la Révolution tranquille. C'est Georges-Émile Lapalme, celui qui a mis sur pied le ministère des Affaires culturelles, qui va venir le chercher tout de suite. Ouais. Et il va être très agissant, là encore, sur le plan de l'enseignement. Et on parlait des fanfares, c'est drôle. Wilfried Pelletier a toujours préconisé qu'on implante des fanfares dans les écoles parce que pour lui, c'est un bon instrument d'apprentissage. Alors, voyez quand même s'il disait C'était pas très bon ce qu'on faisait à la maison. Ouais. Mais pour lui, quand même, ça avait été une expérience, oui. Ouais. Donc, il va être important, il va participer aux travaux de la commission parents pour l'aspect enseignement de la musique dans cette école moderne qui va naître dans les années 60 au Québec. Il quitte le Met en 1950. Avec quel genre de bilan, Mireille Barrière? Bien, c'est entendu que, en tant que spécialiste du répertoire français, il y a beaucoup de critiques américains qui vont dire qu'il a rajeuni le répertoire français. Il y a même un critique influent du New York Times qui a dit « Faust, là, maintenant, a pris de nouvelles couleurs. Il n'y a pas personne qui dirige ça mieux que lui. » Et parce qu'il a fait aussi du répertoire italien. Mais je pense qu'à son époque, là, il y a revaloriser le répertoire français au Met. Et ce qu'il a laissé, par exemple, avec les Metropolitan Opera Auditions of the Air, d'ailleurs, même si son contrat de chef d'orchestre s'est terminé en 1950, il a gardé la direction de l'émission jusqu'en 1958. Ah bon. Alors, il a toujours eu un petit pied au Met. Ouais. Et chez nous, qu'est-ce qu'il nous laisse, Wilfrid Pelletier? Ben, évidemment, il y en a qui pensaient qu'il avait tout mis sur pied. Bon, c'était peut-être un peu exagéré, mais c'est qu'il a toujours encouragé soit la fondation de l'orchestre symphonique, soit le développement du conservatoire. Il a beaucoup protégé aussi les artistes qui allaient en Europe. Il les a pistonnés, il les a recommandés. Il a, par exemple, pour lui, le développement d'une musique contemporaine québécoise, ça a été important. Et il a joué un grand rôle dans la mise sur pied de la Société de musique contemporaine du Québec. Ouais. Et il a même été pendant 15 ans directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec, qui était un orchestre un peu amateur, si vous voulez, et qui en a fait un orchestre professionnel et permanent quand il a quitté en 1960. Il ne crée peut-être pas tout, mais il n'est jamais très loin. Il est associé à peu près à tout ce qui se fait d'important en musique québécoise pendant qu'il est là. C'est que il met toujours son poids dans la balance. C'est-à-dire, ouais, quand les gens sont gênés d'aller solliciter le gouvernement, il leur dit en quelque sorte, inquiétez-vous pas, mes petits amis, je vais y voir. Merci beaucoup, Mireille Barrière, d'avoir participé à notre émission. C'était fascinant comme portrait de Wilfrid Pelletier. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mireille Barrière, historienne, auteure de nombreux ouvrages sur la musique classique. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.